Quatorzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Quatorzième partie. Le mystère m'était absolument nécessaire. Je n'osais lui donner un château, ni faire pour elle aucune magnificence de l'art. Notre ennemie s'en serait aperçue. Elle en eût eu quelque inquiétude, dont les suites eussent été funestes pour nous. J'aimais donc mieux prendre un habit simple et la confier au premier particulier que je rencontrerais, qui me paraîtrait homme de bien, et où je pourrais me flatter qu'elle trouverait les aisances de la vie. Le hasard favorisa bientôt mes intentions. Je trouvai ce qui me convenait parfaitement. Ce fut une petite maison dans un hameau dont la porte était ouverte. J'entrai dans cette chaumière qui me parut être celle d'un paysan à son aise. Je vis à la clarté d'une lampe trois paysannes endormies auprès d'un berceau, que j'ai jugé être celui d'un nourrisson. Il n'avait rien de la simplicité du reste de la chambre. Tout en était somptueux. Je pensai que cette petite créature était malade et que le sommeil, où ses gardes étaient plongés, provenait de la fatigue qu'elles avaient eue auprès d'elle. Je m'en approchai sans bruit dans le dessein de lui donner du soulagement, et je me faisais d'avance un plaisir de la surprise que ces femmes auraient eue en s'éveillant en trouvant leur malade guérie, sans savoir à quoi l'attribuer. Je m'empressais à tirer cet enfant de son berceau dans l'intention de lui souffler de la santé. Mais ma bonne volonté lui devint inutile. Il expirait au moment que je le touchais. Cette mort dans l'instant m'inspira le désir d'en profiter et de mettre ma nièce à sa place, si la bonne fortune voulait que ce fût une fille. Je fus assez heureuse pour que mes souhaits fussent remplis. Ravie de cette occurrence, je fis sans tarder cet échange et j'emportai la petite morte que j'enterrai. Je revins ensuite à cette maison où je fis du bruit à la porte pour éveiller les dormeuses. Je leur dis dans un patois affecté que j'étais une étrangère qui leur demandait un asile pour cette nuit. Elles me l'accordèrent de bonne grâce et furent regarder leur enfant qu'elles trouvèrent endormi paisiblement et avec toutes les apparences d'une parfaite santé. Elles en furent joyeuses et surprises, parce qu'elles ne connurent pas la tromperie que je leur avais faite en leur fascinant les yeux. Elles m'apprirent que cette petite fille était celle d'un riche marchand, qu'une d'elles était sa nourrice qui, après l'avoir sevrée, l'avait rendue à ses parents, mais que l'enfant était tombé malade chez son père, qui l'avait renvoyée à la campagne dans l'espérance que le grand air lui ferait du bien. Elles ajoutèrent d'un visage satisfait, en regardant la petite, que cette expérience avait réussi et qu'elle produisait un effet meilleur que tous les remèdes qu'on avait mis en usage avant de la leur rendre. Elles résolurent de la reporter à son père aussitôt qu'il ferait jour, pour ne lui point retarder la satisfaction qu'il en recevrait, et pour laquelle elle comptait de recevoir une grosse récompense, parce que cet enfant lui devenait extrêmement cher, quoique la dernière de 11. Au lever du soleil, elles partirent. De mon côté, je feignis de continuer ma route en m'applaudissant d'avoir placé ma nièce si avantageusement. Pour augmenter encore sa sûreté, et pour engager ce père supposé à s'attacher à cette petite fille, je pris la figure d'une de ces femmes qui vont disant la bonne aventure, et me trouvant à la porte du marchand, lorsque les nourrices la lui rapportèrent, j'entrai avec elle. Il les reçut avec joie, et prenant cette petite fille entre ses bras, il fut la dupe des préjugés de l'amour paternel, en croyant fermement que ses entrailles étaient émues à son aspect. Ce n'était que les mouvements du bon naturel qu'il confondait avec ceux de la nature. Je pris ce moment pour augmenter la tendresse qu'il s'imaginait ressentir. « Regarde bien cette petite, mon bon seigneur, » lui dis-je dans le langage ordinaire aux personnes dont j'avais pris l'habit. « Elle te fera grand honneur dans ta famille, elle te donnera de grands biens et te sauvera la vie et à tous tes enfants. Elle sera tant belle qu'ainsi sera-t-elle nommée par tous ceux qui la verront. » Pour récompense de ma prédiction, il me donna une pièce d'or, et je me retirai fort contente. Il ne restait plus rien qui m'obligeât à résider avec la race d'Adam. Pour profiter de mon loisir, je passai dans notre empire, résolu d'y rester quelque temps. Je demeurai tranquillement à consoler ma sœur, en lui apprenant des nouvelles de cette chère fille, et en lui témoignant que, loin de l'avoir oubliée, vous chérissiez sa mémoire avec la même tendresse que vous aviez eue pour sa personne. Voilà, grand roi, quelle était notre situation, tandis que vous étiez pénétré du nouveau malheur qui vous avait privé de votre enfant et qui renouvelait les douleurs qui vous avaient fait ressentir la perte de sa mère. Quoique vous ne puissiez positivement accuser de cet accident celle à qui vous l'aviez confié, il vous fut cependant impossible de vous empêcher de la regarder d'un mauvais œil, parce que s'il ne paraissait pas qu'elle fût coupable, elle ne pouvait se justifier sur le fait de la négligence que l'événement avait rendue criminelle. Après les premiers transports de votre affliction, elle se flattait qu'il n'y aurait plus d'obstacle qui vous empêchât de l'épouser. Elle vous en fit renouveler les propositions par ses émissaires. Mais elle fut désabusée, et sa mortification fut extrême quand vous déclarâtes que non seulement vous n'étiez pas plus que ci-devant dans l'intention de vous remarier, mais que, quand bien même vous changeriez d'idée, ce ne serait jamais en sa faveur. À cette déclaration, vous joignîtes un ordre pressant de sortir incessamment de votre royaume. Sa présence vous rappelait le souvenir de votre fille et renouvelait vos douleurs. Voilà le prétexte dont vous vous servîtes. Mais la principale raison que vous aviez, c'est que vous vouliez faire cesser les cabales qu'elle faisait continuellement pour venir à son but. Elle en fut outrée, mais il fallut obéir sans pouvoir se venger. J'avais engagé une de nos anciennes à vous protéger. Son pouvoir était considérable parce qu'elle joignait à la vétérance l'avantage d'avoir été 4 fois serpent. Comme il y a un danger extrême à le devenir, il y a aussi des honneurs et un redoublement de puissance attachés. Cette fée, à ma considération, vous prenait sous sa protection et mit votre amante irritée hors d'état de vous faire aucun mal. Ce contretemps fut favorable à la princesse dont elle avait pris la ressemblance. Elle la fit sortir de son sommeil et, lui cachant le criminel usage qu'elle avait fait de ses traits, elle ne voulut lui faire voir que le beau de toutes ses actions. Elle n'oublia pas de faire valoir ses bons offices et la peine qu'elle lui avait épargnée. Et afin qu'elle continuât elle-même son propre personnage, elle lui donna des conseils salutaires pour se maintenir. Ce fut alors que, cherchant à se consoler de votre indifférence, elle retourna auprès du prince et qu'elle y renouvela ses soins. Elle le chérit, elle l'aima trop, et cette fée, ne pouvant s'en faire aimer, lui fit ressentir un terrible effet de sa fureur. Cependant, le moment de ma vétérance était insensiblement venu et mon pouvoir augmentait. Mais le désir de servir ma sœur et vous me persuada que je n'en avais pas encore assez. Ma sincère amitié me déguisant le péril des fastes dangereux, je voulus le franchir. Je devins serpent et je m'en tirai heureusement. C'est ce qui me mit en état d'agir sans mystère pour le service de ceux que nos mauvaises compagnes oppriment. Si je ne puis pas, dans toutes les occasions, détruire entièrement les charmes funestes, j'en ai souvent le pouvoir. Et du moins, je suis toujours la maîtresse de les adoucir par ma puissance et par mes conseils. Ma nièce était du nombre de celles à qui je ne pouvais faire la faveur entière. N'osant découvrir l'intérêt que j'y prenais, il me parut plus à propos de la laisser sous le nom de la fille du marchand. J'allais sous différentes formes la voir souvent, et j'en revenais toujours satisfaite. Sa vertu et sa beauté égalaient son esprit. Âgée de 14 ans, elle avait déjà fait voir une constance admirable dans la bonne et mauvaise fortune que son prétendu père avait éprouvée. Je fus ravi de connaître que les plus cruels revers n'avaient point été capables d'altérer sa tranquillité. Au contraire, par sa gaieté, par la douceur de sa conversation, elle s'était fait un devoir de la ramener à son père et à ses frères, et j'avais le plaisir de voir qu'elle avait des sentiments dignes de sa naissance. Mais cette douceur était mêlée de la plus cruelle amertume quand je me rappelais que tant de perfections étaient destinées pour un monstre. Je travaillais, je m'occupais vainement, nuit et jour, à chercher les moyens de la garantir d'un si grand malheur, et j'étais au désespoir de ne pouvoir rien imaginer. Cette inquiétude ne m'empêchait pas de faire de fréquents voyages auprès de vous. Votre femme, qui n'en avait pas la liberté, me sollicitait sans cesse de vous aller voir, et malgré la protection de notre amie, sa tendresse alarmée lui persuadait toujours que les moments où je vous perdais de vue étaient les derniers de votre vie et ceux que notre ennemi sacrifiait à sa fureur. Cette appréhension la troublait si fort qu'à peine me donnait-elle le temps de me reposer. Quand je venais lui rendre compte de l'état où vous étiez, elle me suppliait avec tant d'instance d'y retourner qu'il m'était impossible de la refuser. Touché de son inquiétude et voulant plutôt la faire cesser que m'épargner les peines qu'elle me causait, je me servis contre notre barbare compagne des mêmes armes dont elle s'était servie contre nous, et je fus ouvrir le grand livre. Par bonheur, ce fut au moment de la conversation qu'elle eut avec la reine et avec le prince, et la même qui se termina par sa métamorphose. Je n'en perdis pas un mot, et mon ravissement fut extrême de ce que, pour mieux assurer sa vengeance, elle détruisait sans le savoir le tort que la mère des temps nous avait fait en assujettissant la belle à l'hymen d'un monstre. Pour comble de bonheur, elle y mettait des circonstances si avantageuses qu'il semblait qu'elle les eût faites exprès et dans l'unique intention de m'obliger, car elle fournissait à la fille de ma sœur l'occasion de faire connaître qu'elle était digne de sortir du plus pur sang des fées. Un signe, le moindre geste, exprime parmi nous tout ce que le vulgaire ne pourrait prononcer en 3 jours. Je ne dis qu'un mot d'un air méprisant. C'en fut assez pour faire connaître à l'assemblée que le procès de notre ennemi avait été fait par elle-même dans l'arrêt qu'elle avait fait rendre 10 ans devant contre votre épouse. À l'âge de cette dernière, il semblait plus naturel d'avoir des faiblesses de l'amour qu'à une fée du premier ordre et d'un plus grand âge. Je parle des bassesses et des mauvaises actions qui avaient accompagné cet amour suranné. Je représentai que si tant d'infamies restaient impunies, on aurait sujet de dire que les fées n'étaient dans le monde que pour déshonorer la nature et pour affliger le genre humain. En leur présentant le livre, je renfermai ma brusque harangue dans le seul mot « voyez ». Elle n'en fut pas moins puissante. J'avais de plus des amies jeunes et vétérantes qui traitèrent la vieille amoureuse comme elle le méritait. Elle n'avait pu vous épouser, et l'on ajouta à cette punition le déshonneur d'être dégradée de l'ordre, et on la traita comme la reine de l'île heureuse. Ce conseil se tint pendant qu'elle était avec vous. Dès qu'elle parut, on lui en signifia le résultat. J'eus le plaisir d'en être témoin. Après quoi, refermant le livre, je descendis avec précipitation de la moyenne région de l'air, où réside notre empire, pour m'opposer à l'effet du désespoir où vous étiez prête à vous abandonner. Je n'employai pas plus de temps à faire ce voyage que j'en avais mis à ma laconique harangue. J'arrivai assez tôt pour vous promettre mon secours. Toutes sortes de raisons m'y invitaient. « Vos vertus, vos malheurs, » dit-elle au prince en se tournant de son côté, « l'avantage que je trouvais pour la belle me faisait voir en vous le monstre qui me convenait. Vous me sembliez seuls dignes l'un de l'autre, et je ne doutais pas que, lorsque vous vous connaîtriez, vos cœurs ne se rendissent une justice mutuelle. « Vous savez, » dit-elle à la reine, « ce que j'ai fait depuis pour y parvenir, et par quelle voie j'ai obligé la belle de se rendre dans ce palais où la vue du prince et son entretien, dont je la faisais jouir en songe, ont eu l'effet que je pouvais souhaiter. Ils ont enflammé son cœur sans ébranler sa vertu et sans que cet amour ait eu le pouvoir d'affaiblir le devoir et la reconnaissance qui l'attachaient au monstre. Enfin, j'ai conduit heureusement toutes choses à leur perfection. « Oui, prince, » poursuivit la fée, « vous n'avez plus rien à redouter du côté de votre ennemi. Elle est dépouillée de sa puissance et ne sera jamais en pouvoir de vous nuire par de nouveaux charmes. Vous avez exactement rempli les conditions qu'elle vous avait imposées, car, si vous ne les aviez pas exécutées, elle subsisterait toujours malgré son éternelle disgrâce. Vous vous êtes fait aimer sans le secours de votre esprit et de votre naissance, et vous, la belle, vous êtes pareillement quitte de la malédiction que la mère des temps vous avait donnée. Vous avez bien voulu prendre un monstre pour votre époux. Elle n'a plus rien à exiger. Tout est désormais porté à votre bonheur. » La fée cessa de parler, et le roi, se jetant à ses pieds, « Grande fée, lui dit-il, comment pourrais-je vous remercier de toutes les grâces dont vous avez daigné combler ma famille? La reconnaissance que j'ai de vos bienfaits est infiniment au-dessus de toute expression. Mais, mon auguste sœur, ajouta-t-il, ce nom m'encourage à vous demander encore de nouvelles grâces, et malgré les obligations que je vous ai, je ne puis m'empêcher de vous dire que je ne serai point heureux tant que je serai privé de la présence de ma chère fée. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle souffre pour moi, augmenterait mon amour et ma douleur si l'un et l'autre n'étaient pas à son plus haut point. Ah, madame, ajouta-t-il, ne pourriez-vous point combler la mesure de vos bienfaits en me la faisant voir ? Fin de la 14e partie, lue par Ezoie, en Belgique, en avril 2010.